Bonjour et bienvenue à la méditation sur la peur. Commence par trouver une position confortable, assise ou allongée. Ferme les yeux afin de rentrer à l'intérieur de toi. Et ferme la bouche afin de ne respirer que par le nez. Les narines filtrent mieux l'air entrant que la bouche et permettent également une respiration plus lente et donc plus sereine. Deviens complètement immobile. La seule chose qui bouge en toi est l'air qui entre et sort de ton corps. Observe ta respiration. Remarque comme l'air qui entre est plus frais que l'air qui sort. Et sans forcer, tâche de ralentir ta respiration, de telle sorte qu'elle devienne comme un doux filet magique qui vient te caresser à l'intérieur, en rentrant et sortant de ton corps. Si pendant la méditation tu es pris par des pensées, c'est normal et c'est pas grave. Quand tu t'en rends compte, ramène simplement ton attention à la sensation de l'air qui entre et sort. Imagine une cible au tir à l'arc. Cette cible a une zone centrale. C'est ta zone de confort. Autour d'elle, une deuxième zone, ta zone d'apprentissage. Puis, tout autour, une troisième zone, ta zone de panique. Et enfin, la dernière et quatrième zone qui entoure la troisième, ta zone magique. Imagine que tu es au milieu de la cible. La zone de confort où tu te trouves actuellement représente tout dans ta vie qui t'est connu et plus ou moins agréable. Un emploi que tu as depuis longtemps, une série télé que tu regardes souvent, une habitude de ton quotidien. Visualise l'émotion que tu ressens quand tu te trouves dans ta zone de confort. Observe le sentiment de sécurité et comme il peut être rassurant. Essaye de ressentir dans tout ton corps la notion de confort. Comme un feu de cheminée un soir d'hiver. Maintenant, tu entres dans la deuxième zone de la cible, celle qui encercle la première. Cette deuxième zone est ta zone d'apprentissage. Elle représente les moments de ta vie où tu sors de ta zone de confort pour découvrir quelque chose de nouveau. Un nouveau pays, un nouveau type de cuisine, ou un film compliqué par exemple. Visualise l'émotion que tu ressens quand tu es dans ta zone d'apprentissage. Observe ta curiosité. Essaye de ressentir dans ton corps la sensation d'éveil de ton attention quand tu te trouves dans ta zone d'apprentissage. On passe la quasi-totalité de nos vies entre la zone de confort et la zone d'apprentissage. Et on ne s'aventure que rarement volontairement dans la troisième zone. Car la troisième zone est la zone de panique. Le secret de la méditation d'aujourd'hui est que derrière la zone de panique se trouve la zone où les rêves les plus fous se réalisent. La zone magique. Et la seule façon d'accéder à la zone magique et d'abord de traverser la zone de panique. Pense à un moment magique dans ta vie. Peut-être la naissance d'un enfant, une rencontre amoureuse, un succès dans les études ou le travail. Ressens l'émotion dans ton corps que tu avais quand tu étais dans la zone magique. Ressens la joie, l'amour, le sentiment d'accomplissement. Maintenant, essaye de te rappeler le sentiment que tu avais auparavant, quand tu étais encore dans la zone de panique. La peur que tu avais que quelque chose ne se passe pas comme prévu. Observe ta peur. Essaye de la ressentir dans ton corps. Remarque comme tu te sens quand tu es dans la zone de panique. Enfin, imagine un rêve que tu as, quelque chose que tu aimerais qui se réalise. Par exemple, rencontrer l'âme sœur, fonder une famille, ou alors obtenir le job de tes rêves. Maintenant, pense à une peur sur le chemin de ce rêve. Imagine la zone de panique entre toi et ton rêve. Pense au rejet ou à l'échec que tu subirais. Essaye de ressentir dans ton corps la sensation de cet échec, sa texture. Embrasse cette sensation. Rends-toi compte qu'elle est moins pénible que ce que tu imagines. Pour finir, ressens l'émotion dans ton corps que tu ressentiras quand ce rêve se réalisera. ressens la joie, le bonheur et les rires qui accompagneront ce succès. Dans tout ton corps, essaye de ressentir le bien-être de se trouver dans la zone magique. La méditation va continuer pendant quelques minutes jusqu'au son de la cloche. Pendant ce temps, essaye de rester connecté sur la sensation de l'air qui entre et sort de tes narines. Et si tu as des pensées, quand tu t'en rends compte, ramène simplement ton attention sur ta respiration. La méditation est presque terminée, mais garde les yeux fermés encore quelques instants. Étire-toi doucement. Toujours avec les yeux fermés, prends conscience doucement de ce qui t'entoure, la température de la pièce. Et la sensation de tes vêtements sur ton corps. Peut-être une odeur. des bruits ambiants. L'instant présent. J'espère que cette méditation t'a été agréable. À bientôt.